l'éducation, est-ce un droit ou un privilège? Pour certains enfants, ce n'est ni l'un ni l'autre. Des centaines de milliers d'enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils n'apprendront jamais à lire, écrire et compter. La Fondation Paul Gérin-Lajoie est une organisation qui vient en aide à ces enfants démunis. Il suffit $1 par jour pour leur donner accès à l'éducation. Appelez-nous au 1-800-ENFANT ou allez à fondationpgl.ca. Merci pour eux. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. De revient dû. Bonsoir, en manchette ce soir, on parle de boys band, de viande, d'art, de Mars, et ce, aujourd'hui, pour la première journée de beau et chaud à Montréal, je me suis fait checker out par une femme de 54 ans sur Sainte-Catherine. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de Mars dans VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intello. Tommy qui joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh Officiel, seule solution. Je suis en train d'essayer ici de repluguer les affaires comme avant pour que notre ami Rage to Kill fonctionne. Rage to Kill qui va être le film douteux de la soirée. Sinon, en studio, faut pas oublier quand même présence marquée de... Ouais, parlons-en. Parlons-en de André Ducharme qui est en studio. Je suis ça. Hey, non, mais c'est ça, on a quand même Jacques Chevalier. Faut pas dire Longueuil. Hein. Bon, tu peux le dire, c'est mais une déformation. Ça m'empêchera pas de te crisser un coup de poing, ça y est. Et voilà, c'est peut-être le passé avec le personnage qui... Bon, c'est ça, Longueuil, c'est un personnage. Je sais pas. Ouais. Ils m'ont jamais parlé de ça, moi. Ils m'ont dit fait ça. Puis, oui, effectivement, c'est un personnage. Ouais. Okay, voilà. Sur mon baptistère, c'est écrit Jacques Chevalier. Le Longueuil, c'est venu après. Ben oui, ouais. Parce que tu es né à Longueuil. Hein? C'est à cause de la couleur. Ben non. Je suis né à Brassard, mais mes parents ne savaient pas écrire. Fait qu'ils se sont trompés dans le... quand ils m'ont enregistré. Bon, pas du tout. Oh boy, ben ça veut dire que c'est des affaires vraies, là, et même pas de ça. Ben check, là, vu qu'on en parle, je vais poser ma première question. Oui, ça vient de tuer ta question. Ça me tente tellement pas de répondre. Fait que je me demandais, depuis que Brassard a été absorbé par Longueuil, est-ce que tu te sens plus big que Guillaume Lepage? Excellente question, mon brave garçon. Je dirais non, mais ça fait à peu près une quinzaine d'années que je vis à Montréal. Ah. Fait que je suis comme un transfuge. Fait que donc, finalement, je m'en fous pas mal des fusions. Ça donne moins en moins rapport, finalement, de dire Longueuil. Moi, ben, c'est ça. C'est ben, Longueuil élargi. Sauf ton Wikipédia. Ah, non, oui, c'était écrit Longueuil, mais je suis plus clair que ça. Ouais, c'était vraiment beau. Tu as été au collège, Edouard, mon petit. Oui, effectivement. Oui. C'était-tu le fun? Oui, à cette époque-là, je sais pas si ça a changé, mais à cette époque-là, on... Ah, le collège! Ça, oui, c'est ça. Oui, même, on faisait des... J'avais un groupe à ce moment-là avec André Ducharme de RBO. Oui, oui. Et on faisait des shows quasiment. C'était quoi? C'était les grenouilles jaunes, hein? Les Yellow Frogs. C'est ça. Ouais, je m'en rappelle parce qu'André Ducharme est déjà passé ici. Ah, ouais, puis il a dit la même chose que moi. On s'est entendu pour raconter cette histoire-là. On n'a jamais eu de groupe à cette époque-là. On était drogués 24 heures sur 24. Puis, ça a donné des résultats quand même pas si mal. Pas si mal. À long terme, mettons. À long terme, quand, moi, c'est quand ça. On considère que tu as été président de 56 à 57 de l'Institut de l'Histoire sociale de Bordeaux. C'est... Oui, puis en 1428, j'ai découvert le Canada aussi. Ça, l'histoire l'a pas retenu. Ouais, à cette époque-là, j'étais un viking. Puis on a passé par l'Antarctique, là, mais ça, l'histoire a été réécrite. Puis ça a passé sur une autre carte. C'est bien déplaisant, tout ça. L'information précédente, était vrai parce que on t'a trouvé un homonyme. C'est vrai, hein? Ouais, ouais, un politicien passé qui s'appelait Jacques Chevalier, ah. Deux L. Ah. Ben, j'ai un cousin qui s'appelle Jacques Chevalier aussi, qui vit à Québec. Ah, c'est, vrai, ouais. C'est quoi, les mamans se parlaient pas? Ben, c'est, on n'a jamais été très familial chez nous, fait qu'on s'en est rendu compte 20 ans plus tard. Ah, quand t'étais à la TV, peut-être pour la première fois. Probablement quand tu te faisais demander, t'es-tu parent avec Jacques Chevalier? Il disait non. Ouais, sauf que c'était une police, fait que il va pas se faire écœurer tant que ça. Oh boy, non, surtout ouais. Que t'es taquiné longtemps, les polices, on se rappelle. Ouais, mais de... pas assez. Si c'était à refaire, j'irais qu'un bat de baseball. Tirer en l'attention évolue. En fait, j'ai une question par rapport à ça. Moi, j'aime beaucoup tes deux personnages, là, qui est Jacques Chevalier Longueuil, qui est quasiment à toi, dans le fond. Puis bon, Ginevra Bidou. Merci. Mais mon préféré, c'est vraiment Ginevra, puis j'aimerais ça savoir c'est quel le tien. T'avais-tu un penchant pour un plus? Ben je dirais Robidoux parce que quelque part c'était plus proche de mon esprit là. Puis Robidoux c'est un personnage qui faisait pas beaucoup de sketch, qui faisait surtout de l'intervention avec des gens. Ouais, puis ça c'était vraiment plaisant à faire, surtout par exemple avec les avec les humoristes, par exemple quand je le faisais à Juste pour rire. Okay. C'était bien intéressant parce que ça devenait comme un jeu là. Puis il y a en plus de cette manière-là, les jokes, j'ai l'impression qu'ils viennent tout seul. Oui, ben c'est ça, c'est parce ça. Que moi je partais avec une question, dépendamment de ce que l'individu répondait, ben là ça me permettait d'improviser, puis ça devenait vraiment un jeu là. Avec les comiques à Juste pour rire, là, c'était vraiment plaisant. Là. Il y en a qui sont bien bons en impro aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. On peut présumer qu'ils ont quand même un talent d'improvisateur si c'est ouais, Jean-Michel Anctil, Martin Matt, c'était fort en maudit ça, en impro là. Fait qu'on partait des fois, ça durait une question, pouvait nous amener à 15 minutes de niaisage. Ok, fait que c'est dur à éditer après. Alors, ça, j'ai une cassette avec Martin et Matt là, que j'ai fait, il commençait là, je pense qu'on a improvisé pendant 50 minutes là, puis ce qui était malheureux c'est qu'on n'a rien pu mettre en onde parce que c'était trop de mauvais goût. Mais chez nous, mes amis l'écoutent de temps en temps. Une cassette d'extra, ça arrêtait pas pire ça de nous amener ça. Ouais, mais si ça passait pas à l'époque, ça passe pas plus. Ah voilà, ok. Moi j'ai une ouais, question croustillante, je me présente, c'est Valérie. Bonjour. Je suis pigiste à Choc FM, hein. Je fais pas partie de 70%, mais quand Tu fais pas partie de 70% de ma forme. Quand j'ai su que t'étais là, je me suis dit, ah ben là, je m'improvise en tant que membre de 70%. Et là, j'ai une question vraiment croustillante. Je voulais savoir, c'est toi qui as écrit la toune de Le Feu sauvage de l'amour? Je dirais oui et non. Oui, parce que je l'ai pas écrit tout seul. C'est avec André, puis un autre gars là, qui a finalement pas poursuivi. Mais parce que le groupe, les Yellow Frogs, à l'époque, on était trois. Okay. Puis on a composé cette chanson-là ensemble. Puis t'as fait le vidéoclip? Moi, je me rappelle du clip, là. Oui, je vois des personnes. T'étais en boxeur, puis tout ça, là. Puis, moi, je me demande, est-ce que t'avais l'intention de la faire nue, ce vidéoclip-là? On l'a fait nue. Ça joue beaucoup en Thaïlande, okay. Puis au Liechtenstein. Mais ici, on a été censuré à Musique Plus. Ah! On rajoutait des petites boxeurs, là, comme dans les. Tu sais, avec les tacs, là, qui s'appelaient en arrière. Ouais, on a pas besoin d'être bien grosse, parce qu'il n'y a pas grand-chose à cacher. Oh, bon, bon. Non, mais j'aime autant le dire tout de suite avant que quelqu'un le fasse. On a tous couché ensemble. Je voudrais pas que ça sorte. C'est quand la prochaine version, là? De? La prochaine version de Le Feu sauvage, c'est le remix. Le remix. j'attends pas, je m'attends pas à ce qu'on en fasse d'autres, là. Une, c'était bien assez, je trouve. T'as pas parlé à Normand Lamour ou quelque chose? Pour, non, mais Normand, c'est le maître. Une fois que t'as vu ça, tu peux pas faire J'avoue. Hein. C'est quand même drôle que la toune ait été parodiée une fois. Là. Ça a été loin. Le Feu sauvage? Par La Jungle, qui avait fait. Ah ouais. Il y a des sauvages. Il y a des sauvages, je fais un détour. Ouais. Mais moi, personnellement, Le Feu sauvage de l'amour, avant qu'on parle à André Ducharme jadis, je savais pas ça venait de où ni de qui. Puis je dois dire, sans vouloir pitcher de la broue par là, que c'est vraiment, je pense, c'est ma toune québécoise préférée. Ça c'est comme très chiant pour les autres. Donc, c'est celle qui vieillit le mieux. Mais tu sais qu'on a. On a écrit ça, on avait à peu près. Je dirais qu'on avait à peu près 15 ans. Ouais, à cette époque-là, on faisait des shows d'impolyvalente, hein, puis ça a été, on a discuté ça avec RBO, hein, je sais pas, on avait peut-être 23 ans. Puis en plus, il y a le diplôme du deuxième cycle en violon. Oui, il y a vraiment de l'oreille musicale, pourquoi pas en avoir fait plus? Des tunes? Ben oui. Ben, avec les Yellow Frogs, on avait plusieurs. Il y en a au moins 4-5 qui ont été reprises par RBO. Évidemment, Le Feu sauvage, c'est la plus populaire. Là. Mais nous, donc, on avait. T'as payé pour ça, là? Bon, oui, absolument. Non, mais en nature, moi, j'ai couché avec les femmes de tous les gars. Sauf celle de Bruno, parce qu'elle était pas belle. tout ça est de l'humour gratuit. Mais les gars sont capables d'apprendre. Non, mais on a fait, à l'époque, on avait un répertoire de peut-être une trentaine de tunes, les unes aussi minables que les autres. Tu viens d'arriver de la magie, c'est ben quoi? Oui, mais... C'est peut-être Chewbacca qui vient d'arriver en studio. Quand tu disais un groupe avec André Ducharme, c'était vraiment un groupe d'humour, là. C'était pas un groupe de musique. Ben, je dirais, ce qui ressemble le plus à ce qu'on faisait, c'est les Denis Drolet aujourd'hui. Ah! C'était un espèce de mélange. En fait, le concept du groupe, là, c'était, on était un groupe de musique. On faisait, il y avait trois parties, là. On faisait trois segments musicaux différents, un bout rétro, un bout québécois, musique québécoise, mais un bout plus pop rock. Puis au travers de ça, on faisait pas de sketch, mais entre les tunes, on pouvait prendre 15 minutes pour présenter une tune. Puis ça, c'était comme stand-up, tu sais, on niaisait, puis on faisait mongol. Là. Fait que c'était vraiment un show hybride, mi-chanson, mi-stand-up. Ouais, c'était bien. Puis ça, les Denis, c'est pas mal le même genre de structure de show. Là. Oui, oui, il n'y a pas à dire. Y a pas ils à ont dire. Piqué votre idée, est-ce que vous allez poursuivre? Non, pas tout. Non, c'était, tu sais, c'est avec le temps. C'est avec, ouais, de toute façon, les gars étaient même pas nés quand on s'évissait. De toute façon, ils ont volé l'idée à Réal V. Benoît aussi. Hein. Réal V. Benoît qui faisait de l'humour entre les chansons jadis. À l'époque, oui. Michel Rivard aussi, man. Ah, c'est ça. Ouais. C'est là depuis tout le temps. Hein. Moi, j'ai une autre question. C'était quand encore? Show là, c'est parce que là, ça fait deux que tu poses, puis elle n'a pas posé une encore. C'est une bonne question. Ah, OK. C'était quand le show de lutte entre les Bleus Poudre et RBO? Il y en aura pas, parce que les gars sont tous hémophiles, puis on voudrait pas qu'ils blessent. Sinon, toi, t'es le seul qui a participé aux deux. Hein? C'est pas vrai, il y a Richard aussi. Mais c'est dans quel camp tu irais situer? Ben, moi, je me sens plus Bleu Poudre que RBO, parce que j'ai fait plus longtemps avec... Moi, j'ai commencé, début, RBO, c'était un collectif. C'était comme une espèce de groupe. Il y avait plein de monde qui tournait autour. Il y avait là-dedans des gens qui sont devenus ingénieurs de son, éclairagistes, le directeur photo, c'était un espèce de groupe, il y avait peut-être une vingtaine de personnes qui participaient au travail de RBO, dont moi. Puis ça a lancé plein de carrières, autant les gars qui sont devenus humoristes que plein d'artisans de la TV et de la radio. Puis moi, quand les gars sont devenus professionnels, j'ai étudié en sciences alors que les gars étudient en communication. Fait que quand on a fini nos bacs, moi, je suis allé travailler en sciences, c'est pour ça que j'étudiais. Ben les gars sont devenus professionnels. Puis moi, ça me tentait pas de faire cette carrière-là, fait que j'ai arrêté. C'est beaucoup plus tard que je suis revenu à l'humour. Là. Au travers de ça, je faisais des collaborations avec RBO, j'écrivais des textes, des chansons, des trucs. On se rappelle des mais... shows. Oui, j'en parle vite parce voyage. Que j'ai un peu honte de tout ça. non, je viens. Donc, le gros de ma carrière, c'est vraiment avec les Bleus que je l'ai fait. Puis aussi, avec les Bleus, on a développé un style qui était très différent des RBO. Ce qui est comique, parce qu'à l'origine, Sans Limite avait été créé, c'est notre première émission de télé, des Bleus, avait été créé... On était tous déjeunés. Ah oui, c'est bon. Ouais. Ça avait été créé pour remplacer Rock et Belles Oreilles, et vu que... Oui, mais justement, ça a commencé quand que RBO a fini un peu sa première, disons... Non, il était à TQS, puis ils sont fait récupérer par TVA. C'est ça qui est arrivé. TQS avait moins de budget. Le TQS, il voulait compenser. Puis là, ils ont embauché une gang de comiques en disant continuez à faire ce que Rock et Belles Oreilles faisait. Fait qu'évidemment, pour nous autres, c'était hors de question de faire ce qui existait déjà. Fait qu'on a essayé de développer un genre humoristique différent. Fait que c'est ça qui a amené. Jouer avec le montage, et puis. Ben, c'est ça. C'est ça, le montage. Aussi, jouer plutôt que faire des sketchs en studio avec des perruques, puis des maquillages. On allait dans puis là. On y avec le monde, mais oui. Ouais, c'est plus ça, puis aller voir les vrais politiciens, puis leur dire les confronter. À place de se déguiser en eux autres, aller les voir, puis leur permettre de dire leur niaiserie aux autres. Ben, c'est ça. Puis c'était, dans le fond, nous autres, notre démarche, c'était de créer un autre genre. Ouais. On voulait juste pas faire la même chose que RBO, parce que ce qu'ils faisaient, c'était très bon, et pas d'intérêt à faire la même chose. Ben oui. J'ai entendu un. Chewbacca, c'est Chewbacca, en fait. Parce qu'il arrive, c'est que autant on parle avec Jacques Chevalier Longueuil, autant on a tellement d'affaires. Merci, Chewy, il vient de nous placer sur le bon chemin. Là. Vraiment, il est pratique. Excuse-moi, finis ça. Mais là, je pensais que c'était une brebis épileptique. J'en ai plusieurs chez nous, puis s'ils font ce son-là. Mais ça le dit... Ça va nous prendre une nouvelle, hein, Bruno. Bruno, ça tu passes à la Switch, là. OK, ben je vais y aller. Avec bien des morts, là, idéalement. Ferme-la à sa place. Attends, j'ai-tu des morts aujourd'hui? Non, j'ai pas de morts, je pense. Non, mais je vais y aller tout de suite avec ma nouvelle de la semaine, là, parce que, je veux dire, c'est quand même très, très big, là, je trouve, qu'est-ce qui se passe cette semaine. Je sais pas si vous êtes au courant, mais après presque 15 heures d'attente, les New Kids on the Block reviennent ensemble. Ouais! Ouais! Oh non, ouais! Mm-hmm. Ouais! Tous ont maintenant presque 40 ans, mais ils sont toujours des kids dans le cœur. La réponse des fans a été incroyable, a déclaré Donnie Wahlberg, au Boston Herald. Les 5 membres ont décidé d'enregistrer un nouvel album et de partir en tournée cet automne. Et sur ce, on écoute Hangin' Tough. Mais là, c'est une excellente nouvelle, ça. Parce que ça va faire une belle sortie pour les hôpitaux psychiatriques. Là, ouais, tout, ça, c'est bon. Hein. Puis il faut pas oublier que Donnie Wahlberg jouait le rôle du héros dans Saw 2, hein, dans Décadence. Puis il faisait aussi. J'ai appris aujourd'hui qu'il faisait un rôle dans Band of Brothers, la série de Deuxième Guerre mondiale produite par Steven Spielberg. Puis il décide de recommencer les New Kids on the Block pour faire un lien avec le reste de sa carrière. Ben oui. Il a quel âge, là? Je pense Donnie a 36. Ah! Ouais. J'étais allé voir le film avec les Rolling Stones hier. Le nouveau Scorsese, là. Ça vaut la peine en maudit. Puis, criff, Mick Jagger, il a 64. Il se pitch partout, man. Il est rock and roll. Ouais. Ouais, mais il y a une saine alimentation, il se couche tôt. Il fait de l'exercice. Vraiment, voilà. Tu as un petit pacte avec le diable en quelque part là-dedans. Ah, comme on a un invité. Où ça? Il est là-bas. Okay, là-bas. Oui. En fait, j'ai amené ici 3 chansons qui jouaient jadis, puis que desquels t'as déjà fait du plaisir, en tout cas desquels t'as déjà joué des artistes, desquels t'as déjà ri, en fait. Comprends. Là, je parle de Jeannot Bergeron. Ça a l'air intéressant, moi. Ouais, tu vas choisir la tune, en tout cas. J'ai Jeannot Bergeron recherché, Francis Martin Rocket ou Kathleen Ouallet. Là, ça. Ben, moi, je dirais Francis Martin. On dit Francis pour l'ensemble Martin. De son œuvre, c'est un incontournable. Ouais, mais. C'est maintenant James Garfield. Ouais, mais non, mais Jeannot Bergeron, sérieusement, son répertoire était douteux, mais Monet a fait un album de jazz qui est excellent. Ah. Fait que ça mérite pas de rire d'elle. Kathleen, je trouve que. On a assez ri d'elle. Ouais, c'est ça. Martine Sinclair, elle. Qu'est-ce que t'en penses, Martine Sinclair? Je trouve qu'elle est blonde, pas mal. Frisée. C'est ça que tu penses. Alors, on va écouter Francis Martin Rocket, puis on va revenir là, parce qu'on a des extraits de Rage to Kill à écouter, d'autres nouvelles et puis d'autres questions à poser. Hein. Ouais. Les vraies valeurs, Francis Martin Rocket. Ça, tu sais, la musique plus, dans le temps, on pouvait appeler pour savoir c'était quel le clip de l'année, là, puis dans le temps, ben, ça gagnait. Les non, mais avec ses droits d'auteur, là, en faisant jouer la toune, il va peut-être pouvoir s'acheter un sandwich aujourd'hui. On lui souhaite. Ben, d'ailleurs, il a fait une lecture fin février passé, coin Panay, Ontario, avec l'univers cité Michael de la science et ah oui, il y a un beau site à aller ça voir. Ça va de pire en pire. Josh. On écoute ça, on vous vient à 70% à fond la caisse. Moi, je m'en vais, les écouteurs. Non. Tu parles sans arrêt de ce qui te déplaît. Tu n'es jamais satisfaite. Y'a qu'un côté que tu connais. Tu ne sais même plus où t'en es. Attends pas demain. Alors, rock it, du soir au matin, oh baby, rock it, oh baby, rock it. Attends pas que je m'en aille. Non, attends pas que je m'en aille. Tout est noir, tout sans espoir. Tu fermes la porte, tu regardes sans voir. Tout recevoir. Tu ne sais ce que veut dire victoire. Je peux pas croire. Tu regardes sans cesse ton miroir. Sors de ton château, de ton manoir. Je peux pas y croire. Il y a rien d'autre. Si c'est comme ça, c'est de ta faute. Vas-y, rock it, attends pas demain. Alors, rock it, du soir au matin, oh baby, rock it, oh baby, rock it. Attends pas que je m'en aille. aussi Jean Perron. Si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Tu l'as manqué. Ah, c'est apristi sacré, Jean Perron. On avait eu bien du plaisir à lui parler au téléphone. Pour l'instant, Valérie, go! Bonjour, je m'appelle Valérie Gagnon. J'écoute 70% à tous les jours. Je te gage que c'est même pas vrai, Chris. Oui, c'est vrai. Elle écoute les reprises tout le temps. Je les reprises tout le temps en balado diffusion. C'est tout le dans mon dit, moi, j'aime tout le temps ça quand ils ont mon petit Kenshin Battle. Aujourd'hui, c'est Kenshin Battle en background. C'est un jeu de PSX, c'est un jeu de combat. C'est super plate, mais le gars qui fait les tunes, il est bon. Là, j'ai mis les tunes en background. Parce qu'on met tout le temps une trame sonore de jeux vidéo en background quand on parle. C'est compliqué votre émission. C'est limite de pas comprendre. Ah, ben ça va pour le mieux. Tu vas voir, on va donner des indices. Parce que cette semaine, c'est Rage to Kill. Oui. Cette semaine, c'est Rage to Kill. Rage to Kill dans une nouvelle salle, pour un nouvel envol. Ce soir au Brouhaha, 5860 de Lorigny. On va subir tous ensemble Rage to Kill. Ce long métrage, premier visionnement d'une série que l'on espère longue, est un bijou d'illogisme crasse. Et. Ben, en fait, c'est du bon -8, -8.5. Ça dit ce que ça veut dire. Difficile de mettre des mots sur un tel degré de questionnement. Cameron Mitchell, la superstar américaine des acteurs surdouteux, est au centre de l'action. Ici, il est le sergent Miller, un infiltré dans l'île de Saint-Hérol, endroit qui s'est avéré inexistant après quelques recherches. Quoique, il ne faut pas oublier aussi James Ryan dans le rôle de Blaine Stryker. Stryker. C'est le gentil ou le méchant? Blaine Stryker. Devine. Je dirais que c'est l'homosexuel de service. Sinon, Blaine Stryker, c'est un gars dont le frère fut kidnappé par le général Turner. Turner, joué par le très célèbre Oliver Reed, qui décéda jadis avant la fin de Gladiateur avec Russell Crowe. Bon. En somme, Blaine est le meilleur des meilleurs du Vietnam, qui apprend que son frère a été kidnappé par un général sanguinaire de la trempe de ceux auxquels il attribue la seule défaite militaire de son pays. Là, on est à 10 minutes du début, puis déjà, on a tout ce beau ramassis d'informations-là. Je vais utiliser ici maintenant le temps théorique que prend la séquence d'équipement avant de poursuivre sur le récit. On va laisser Blaine Stryker s'armer pour le dur combat à venir. Et puis répondre à la question que je vous entends tous faire flotter. Quels sont les autres personnages de cette fable moderne? Outre le sergent Miller infiltré et le très méchant général Turner, et puis on a bien sûr Blaine Stryker, il reste encore Wally, le natif de l'endroit qui désire se battre pour la démocratie et qui n'a jamais entendu parler des mots t-shirt ou chemise. Il y a la journaliste à la grosse poitrine et aux qualifications bien spécialisées. Il y a les étudiants américains, placés au cœur d'un conflit qui ne les concerne pas, mais qui désirent se venger quand même. Finalement, les soldats et les rebelles, joués par des figurants aux motivations très irrégulières. De retour à l'histoire, on se retrouve à 13 minutes du début avec notre héros, en sous-vêtements très moulants, attaché à un sommier de lit, fouetté d'abord et électrocuté pas ensuite. Pas comme dans le dernier assaut, puis dans Rambo 2. Puis ouais, comme dans quelques autres aussi. J'en suis donc rendu à remercier les gars du Brouhaha et que les entités qui font de notre monde ce qu'il est s'arrangent pour que ça dure. D'ailleurs, le site douteux.qc.ca reste très valable. On y fera bientôt les modifications nécessaires pour que l'expérience demeure interactive. En attendant, pour cette première au Brouhaha, le gars qui attache sa chemise après son canon de M16. Le gars qui souffre avec une balle dans le genou. Le gars qui tire dans le gars qui tombe en bas de la passerelle. Le bateau qui explose à frôler une roche. La réutilisation évidente du même footage. Un hélicoptère en arrière de la colline. En somme, 2 points. Rage to Kill. On va commencer tout de suite avec une première séquence d'extrait. Et on va comprendre la méchanceté. En fait, on va rien comprendre. Je veux dire, ce qui arrive, c'est que le méchant général Turner vient de s'attaquer à un endroit mystérieux pour aller tuer le président de la République de Saint-Hérol, de laquelle il veut prendre le contrôle et qu'il vient juste d'inventer. On va écouter ça ensemble. Ça dure un petit 2 minutes, mais après ça, l'histoire est tellement sur des rails, ça va bien. On laisse le micro ouvert si quelqu'un a des commentaires. Parce qu'on en a... Épargnez ma femme et mon fils, ils sont innocents, ils ne font pas de politique. Et voilà, le méchant général Turner. ils ont tellement de fun. On est déjà désarmés. Puis il fait beau en plus. Et voilà, la femme y goûte, il reste l'enfant. Et l'enfant qui est flingué. Ah, mais là, on rit pas, là, là c'est pas drôle. On va comprendre que le général Turner a des émotions. Il y a une espèce de fond. Général, la révolution est commencée. Ah oui? Il est terminé pour toi, soldat. Énorme vengeance. On ne tue pas les enfants, tu vois? Non. Ah. On ne tue pas les enfants. Non. Non. Non! Non! Salaud! Fait que là, le général... Le général, comme vous avez pas la couleur, je vais vous expliquer. Le général a tiré une balle dans le genou du gars. Qui considérait comme un trait. On se retrouvera, oui, on se retrouvera. Parle-moi de l'enfer. Je te promets, général, que tu ne fais rien pour attendre. Et voilà. Salaud! Pendant ce temps-là, le général s'en va dans son hélicoptère de service. Là, le gars, il est debout, puis il souffre. Tu sais, il a mal aux genoux. Et puis là, ben, il décolle dans l'hélicoptère. Puis tu sais, il y a des hélices après un hélicoptère qui tourne. Puis là, il recule tranquillement avec l'hélicoptère dans le gars qui est en train de souffrir avec une balle dans le genou. Qui ne peut absolument pas se coucher sur le côté. Oh, salaud! Parce que vu qu'il y a une balle dans le genou, il ne peut pas tomber à terre. Et voilà, non, et voilà. Tel un jambon, il fut déplacé. Immobile. Il nous reste un petit 56 secondes ici pour apprendre... Les nouvelles internationales. Le Sahel, jusqu'à présent paisible, a vécu aujourd'hui un coup d'État sanglant. Mené par le parti de Los Huevos sous le commandement du général Turner, les putschistes ont assiégé le palais du gouverneur et l'aéroport de Lille. De la musique militaire est diffusée actuellement par la radio et la télévision locale. Nouvelle nationale. Ainsi, nous avons un coup d'État militaire sur les bras dans l'île Saint-Héron. Que savons-nous juste sur ce Turner, Georges? Eh bien, monsieur le président... Il a fait l'Académie militaire d'Argentine. Toute sa famille habite sur l'île. Son père est dans le sucre. Il est marié, des enfants. Ah, autre détail, il est porté sur la chose. C'est tout. On pas la gueule. Miller, il a une bonne couverture. C'est excellent. Alors, voyons les autres questions. Ouf, hein? Donc, on commence ici déjà l'intrigue. On est rendu profondément dedans. Ce qui va arriver ensuite, c'est que Blaine Stryker va apprendre que son frère est maintenant porté disparu. Blaine Stryker, qui est un ex du Vietnam. Et puis, ben, comme j'ai mentionné tantôt, rendu vers la 13e minute, on est déjà dans le jus. Je vais mettre le bout où le général torture le héros parce que c'est drôle. Alors, tu vas dire qu'il t'envoie à Saïron? Ça va te faire foutre. Réponse classique. Ouais, t'es torturé. Il y a dans ton cul aussi que j'aime bien, moi. Ouais. Et voilà le héros qui se fait battre, qui est en sous-vêtements très serrés. C'est pour la phrase que le général va dire après avoir électrocuté le lit que je l'ai mis. Alors voyons, c'était aussi dur que ça. Si dur que ça. On n'a comme pas besoin de le voir pour comprendre. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? J'espère que tu ne parleras pas trop vite. Parce que j'éprouve un réel plaisir à te faire ça. Et voilà le général Turner qui ne tue pas des enfants, mais qui adore faire souffrir les gens attachés sur des sommiers. En BDN. En BDN. Très serré. Nouvelle, Bruno. Okay. Fait mal, man. OK. Alors, pourquoi se contenter d'eau aux vitamines quand on peut avoir de l'eau à la viande? La compagnie Till Crott Kramer s'est penchée sur cette question vitale et y a répondu « Pour rien au monde ». Beef jerky, bœuf stroganoff, cheeseburger, poulet teriyaki, hot dog, fish and chips, saucisse italienne, escargot et la liste continue, on en veut chez Couche-Tard. Ben, pour vrai ça? Pour vrai. De l'eau aux escargots. Là. Ben oui, ça. C'est ma c'est préférée. C'est comme fancy. Hey, voyons donc. Merci, Bruno. Non, on enclenche un autre. Je pense que les anorexiques savaient plus quoi, sont peut-être tannés de se mettre la doigt dans la gorge pour Ah, peut-être. Fait que, option. Fait, ils vont pouvoir se rincer la bouche avec ce qu'ils ont mangé. À l'eau à saveur de ce qu'ils ont mangé. Fait que tu veux ça? Moi, j'ai une question certaine, Jacques Chevalier. Pendant longtemps, tu t'es retrouvé dans un band d'humour, d'humoriste et tout. Puis après ça, à la barre de comicographie, pendant 6 ans. Ouais. C'est quoi le transfert, mettons, de travailler en équipe, de monter un show en équipe, puis après ça, de te ramasser pas mal tout seul à la barre? Ce qui est arrivé, c'est qu'après Les Bleus, moi, j'ai une formation en gestion de projet. Ma formation, c'est ça. Puis je voulais devenir producteur, donc je suis rentré à Juste pour Rire pour être producteur télé. Là, fait que j'étais en charge du département de télé pendant 6-7 ans. Ah, oh, bon. Ben, j'étais encore là, d'ailleurs, mais là, j'ai juste changé de fonction. Là, ouais, mais j'ai fait pendant 7 ans les galas, je produisais les galas Juste pour Rire, les comicographies. Je les faisais parce que, comme je les produisais, c'était plus facile pour moi de les animer que de donner la job à quelqu'un. Ça, ou à quelque part, parce que je savais exactement ce que j'avais besoin au montage. Pis tout ça. Même chose pour quand je faisais les coulisses, c'est moi qui produisais les émissions. Fait quand c'était plus facile pour moi d'aller voir les humoristes, tout ça, parce que souvent, je travaillais leurs textes avec eux en amont. Là, vu que je faisais la programmation des shows Saint-Denis, okay, avec les humoristes, souvent, je travaillais leurs textes avec eux. Fait que je trouvais ça plus cool d'être en coulisses pour les accueillir une fois qu'ils faisaient la prestation. Ben, j'avais fait tout le travail avec eux en amont. Oh boy. Fait que quand je les accueillais et que ça avait bien été, j'étais content pour vrai parce que j'avais une relation quasiment de ce monde-là. Ben oui. Boy, c'est parfait. Puis c'est pour ça que. Puis là, maintenant, depuis 3 ans, je m'occupe plus des galas ni des comicos. Mais je suis producteur maintenant. Je produis les gags Juste pour Rire. En fait, c'est une des plus grosses réussites québécoises mondiales en longtemps. Je pense. Pas pire, je pense. Il y a pas mal de monde qui ont acheté ça. T'as même pas besoin d'être traduit, puis ça se comprend. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, c'était ça mon autre fantasme quand on a arrêté Les Bleus, c'était de faire. Je voulais faire une série de télé qui serait exportable, là, qu'on pourrait vendre partout dans le monde. Puis ça va pas. Pas pire bien, on est dans 140 pire. Pays, 95 lignes aériennes. Puis depuis l'été passé, on est diffusé sur ABC aux États-Unis. Là. Fait que ça, c'est. Je pense que c'est jamais arrivé qu'un producteur canadien là, réussisse à vendre une émission qui soit diffusée sur un réseau majeur en période de grosse écoute. Là. Fait que on est bien content de tout ça. Ouais, bon job. C'est le fun, j'ai déjà trouvé, moi, dans une. Ça va être drôle d'en parler avec peut-être le producteur, mais j'ai déjà trouvé dans une vente de garage des vieilles cassettes VHS qui n'avaient pas de tape, rien. C'est juste des cassettes noires. Quand on a mis play dedans, c'était des footage des gags comme ça. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Puis tu sais, on voyait, mettons, les gars qui préparaient le sketch au début. Puis tu sais, c'est des affaires qu'on n'était pas supposé voir. Puis à un moment donné, la séquence que je me rappelle le plus, c'est que le caméraman a trouvé qu'il y a une demoiselle qui avait un postérieur très, très charmant. Non, c'est beau. Non, ça, c'est beau. Super. Non, mais ça, je vais le dire, une fois pour toutes, là. Les caméramans, c'est tout un peu des malades mentales. Des gens qui savent pas vivre. Puis quand ils ont 2 secondes à rien faire, parce qu'on tourne évidemment dans les rues, là. Ben, souvent, c'est ça. Ils font des zoom-in sur des parties du corps humain. Non, mais pour l'avoir vu, elle valait la peine, je pense. Non, mais c'est bien drôle, t'as trouvé ça. Hey, puis sinon, moi, j'ai vu sur le site du Guild est maintenant rendu l'éditeur en chef, c'est-à-dire le site de Juste pour Rire. Oui. Quand même un gros fardeau, ça, là, Juste pour Rire, c'est quand même connu. Hein, ça, on a démarré ça il y a à peu près 2 ans, là, le justepourrire.com. Mm-hmm. Évidemment, là, c'est dans la foulée, la montée des nouvelles plateformes technologiques, c'était important que Juste pour Rire. Avant, le site de Juste pour Rire, c'était juste un site de transactionnel puis d'information. OK, de prochain spectacle. Ouais, c'est ça. Tout. Puis là, ce qu'on voulait, c'est de faire un site où on pourrait héberger à peu près tout ce qui se fait en humour, idéalement, ultimement, mondialement, on n'est pas rendu là, mais c'est de faire un portail colossal avec plein de matériel, puis amener le plus en plus de monde à venir poster leurs clips sur le site, puis c'est un travail qui est bien, bien long, ça avance bien, là. Ça fait à peu près un an et quart qui est en fonction, là, puis ça avance de plus en plus de trafic. Dire, si je me tiens bien à date, ça veut dire Roger Normandin est là depuis pas mal les tout débuts. Non, on l'a embarqué l'été passé, lui, le flamboyant Roger. c'est peut-être un peu grâce à moi que t'es au courant. Arrête donc. Parce que, il y a des gars de TVA, puis de... Il y a de la presse qui m'ont téléphoné quand il a commencé à percer, parce que moi, je l'avais interviewé 2-3 fois avant ça. OK, ah, c'est bon. Puis j'étais comme l'expert en fait. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, les gens qui écoutent, c'est un autodidacte, Roger. Oh, oui. Il fait des films, il fait des disques, puis c'est très dans son style à lui. J'en dirais pas plus, parce que je respecte Roger, beaucoup le mammifère qu'il est. C'est dur que c'est ça aussi. Sinon, c'est ça, j'ai été très heureux de voir le top 5 des worst fighting scenes ever sur le site de Juste pour rire, justement. Ah, est-ce oui. que tu t'occupes aussi du volet anglais? En fait, je m'occupe presque plus du site là, depuis 6 mois. Je suis retourné à temps plein sur les gags parce que ça s'est rendu, en tout cas, c'est rendu de plus en plus lourd à gérer. Là. Fait que j'ai délaissé. Moi, j'ai finalement démarré le site, puis j'ai quitté mes fonctions là, à Noël passé. Je m'en occupe encore. Je suis encore consultant, puis je fais encore des trucs là-dessus, mais je ne suis plus éditeur, puis je m'en occupe à temps plein. En tout cas, félicitations à celui qui les a trouvés les 5. Ouais, un bon éditeur, puis Paul Staycock fait un bel job là-dessus. C'est apprécié. Sinon, on va aller dans le passé. On va y aller tout d'abord avec un sketch, je pense, parce que je l'ai amené. On va écouter Jacques Chevalier, jadis. De jadis. Longtemps que j'ai pas écouté ça. Oh boy, oui. T'sais, on va fermer les micros pour bien savoir. Je vais changer de poste, on arrive aux douanes. Non, c'est bon, ça. Ah, ça, Longueuil, les douaniers aiment tout ça. Tu penses? Oui. Je vais t'enlever tes lunettes de soleil. T'as l'air hypocrite avec ça, toi. Non, t'as pas ça, il sent. Je comptais ajuster à ma vue. Beau travail. T'as quasiment arraché ma cabine. Mais c'est pas moi, monsieur le douanier. C'est lui. Allez. Bah, OK, recule, ce mat, là, je pognant tout ton genre, là. Pendant que vous êtes là, c'est-tu vrai que mon muffler, il est fucké? Recule. Mais non, c'est juste parce que je voulais avoir une deuxième opinion. C'est tellement facile de se faire fourrer d'un garage. Ben oui. Formez-moi ça, maudite musique de froc de cuir, là. À vos ordres, d'Admiral Nelson. Non. D'où est-ce que vous arrivez, là? Fouille-moi! Ah ouais? Non, je veux dire, je suis pas sûr d'où c'est qu'on arrive. Vous m'intimidez. Hey, Boudichon, va donc checker à pancarte où c'est qu'on était hier, okay. Là. Bon, avez-vous quelque chose à déclarer? Certainement. Je déclare la guerre aux États-Unis! Hey, niaise-moi donc. Ah, OK. Nya, nya, nya, nya, nya, douane, gros nez, douane, pas de banane, frontière, gros derrière, ouais, là, ouais, etc. Ouais. Vous seriez pas en possession de drogue, là? Hey, non, je l'ai tout vendu à lui un matin. Ouais. Vous avez l'air de deux beaux comiques. Merci. On a justement un disque à vendre chez tous les bons disquaires. Ah ouais, montre-donc ça. Regarde, on est dans ce sketch-là. En revenant de Plattsburgh. Mais c'est ça, c'est de là qu'on vient, Plattsburgh. Ouais, tu peux laisser faire le Sberg. Puis qu'est-ce qui se passe à la fin du sketch, les smats? Je vous laisse-tu passer? Ben, il faudrait l'écouter. Je l'ai justement en cassette. Ah ouais. Non, on est rendu bien plus loin que ça. Déclare la guerre! Vous avez l'air de deux beaux comiques. Hey, c'est ma voix, ça! Non, attends, je vais mettre la cassette où c'est qu'on est rendu. Bon, c'est là. On va écouter ça. Je dis-tu quelque chose, moi, là? Chut, écoutez! On va écouter vers la fin pour voir. Vous êtes en Les batteries sont finies. Oh, t'es pas sérieux? Ouais. Je saurais jamais comment ça finit. Nous autres non plus. Qu'est-ce que je disais après? Vous êtes en état de... Oui, je m'en rappelle. Là, vous disiez, vous êtes en état de conduire un Winnebago. Prenez le mien, je vous en prie. Oh, ouais. Non, c'est pas ça qu'il disait. Chut, la ferme. Non, oui, mais c'est parce que c'est pas ça qu'il... Qui t'a dit ta gueule? Non. Écoute, si je dis ça... les bons Winnebago, mais fais attention, hein, parce que la clutch est haute. Merci. Okay, merci. C'est vrai que la clutch est haute, hein? Bouchon, nourris-les, tes oiseaux, ils arrêtent pas de se lamenter. Classique, ça a fait mon adolescence en sapristi, cet album-là. J'avais pas réécouté ça, moi, depuis l'époque où on l'a sorti. Là. Oh boy! Ouais, je trouve qu'on n'était pas nécessairement sain d'esprit. Moi, en fait, je m'attendais à ce qu'il y en ait d'autres, parce que, me semble, tout le monde que je connaissais l'avait. Faut dire, je viens de Val-d'Or, là, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, mais nous autres, on était tellement pris avec la télé, là, c'était tellement un ouvrage parce que nous, on faisait pas mal tout seul, l'écriture, le montage, on tournait, fait qu'on était tout le temps dans nos productions, qu'on n'avait pas le temps de faire grand-chose d'autre que nos émissions de télé. Là. Ça aurait été impossible de faire, par exemple, une émission de radio quotidienne, puis ou même hebdomadaire, plus la TV, on serait devenu fou. À Takino, on travaillait honnêtement là, un minimum 80 heures par semaine. Là, j'ai pas de misère à le croire. On partait tourner, on revenait, mettons, à 10-11 heures le soir, on montait toute la nuit jusqu'à 5-6 heures du matin. C'était vraiment débile. C'est pour ça qu'on, quand on arrêtait, il y avait aussi beaucoup de fatigue physique. On trouvait que c'était éprouvant. Là. Ben, c'est si vrai, on... là, 80 heures semaine, il n'y a pas beaucoup de jobs qui... Ah, c'était bien. Mais tu sais, c'était de la télé d'auteur. Hein, on faisait... Ouais. On avait... T'as une idée de sketch, tu l'écris, tu le fais, tu le montes, puis tu l'envoies en ondes. Vous faisiez toute la sauce à vous-même. Ouais, oui. Ouais, c'est ça. C'est bon. C'était ça qui était le fun, mais ça... Puis comment vous en êtes arrivé à avoir François Pérusse en collaboration? Parce que il était pas là dans le temps des Bleus Poudres. Est-ce qu'il vous a aidé pour l'album à vendre? Il vous a pas... Ça, c'est en 81. Ouais, François, ben en fait... Ben, il était dans Taquinon la planète. C'est ça, il est arrivé, c'est en 94. Ben, je te dirais qu'à l'époque de Sans Limite, je pense que François n'existait même pas comme humoriste. Ouais, il a commencé plus tard. En fait, nous, François, on l'a rencontré quand on est... après Sans Limite, on a fait de la radio, puis c'est là qu'on a rencontré François. OK. Puis on a commencé Taquinon la planète là, dans l'année qui a suivi. Comme il voulait pas travailler avec nous, on a séquestré sa femme, son chien, puis ses deux perruches. Il a pas eu le choix. Non, on était vraiment chum. On se croisait souvent en radio, puis le contact était bon, puis on l'a convaincu d'être ça notre musicien. Il avait la toune-terme. Ah oui, c'était, il y avait une chimie effrayante aussi en termes d'univers humoristique. Il y avait Yuri Glogan-Floris, ouais. Le gars qui chantait. Il avait créé une couple. François aussi, c'est pas un gars de TV, c'est plus un gars d'audio, puis quelque part, c'est une bonne union, parce que nous, on était pour en musique, puis lui seul a jamais fait de spectacle, aurait jamais fait d'émission de télé comique, tu sais. Fait que, ensemble, là, c'était vraiment, on était très complémentaires. Complémentaires partout, si c'est pas beau. Aussi. C'est un génie, ce gars-là, François. Ouais, ça a pas de sens, Linza. Ouais. Taquino aurait jamais été aussi bonne si François avait pas été là. 2 minutes par jour de nouveaux stocks humoristiques. Autoproduit tout le temps, là. Oh, il fait bien ça, c'est sûr. Hey, Tommy? Moi, j'ai une question. Oui? Ben, je peux-tu... Vas-y. Voilà. Bon. Il me l'a demandé à moi, si je peux poser une question. Tu vois, c'est parce qu'à un moment donné, tu prends toute la place, Chris. Ah oui. Il veut pas être déplaisant, mais il est quand même plus gros que toi. OK, là, j'ai été sur le billboard des Bleu Poudres aujourd'hui. Puis j'ai vu que la moitié des questions parlaient du disque à vendre. L'autre moitié, c'était du monde qui savent pas écrire. Fait que je vais te lire mes 3 préférés. Ok, on va y faire. Il y a Katia, Katia Cool, commercial@mail.com. On lui écrit, s'il vous plaît. Elle écrit 4 fois le même message, puis elle en écrit un autre. C'est salut vous autres, AUTE, ça va, ça, S-A. Moi, oui, je, G-E. Voulais vous dire que vous êtes super drogué, E-R. Là, qui veut dire G-E. Du bon sens. Puis vous êtes à ITE, super cool. Si vous pouvez me répondre, répondez ER, moi, vite. Merci d'avance. Hein? Puis là, elle écrit 4 fois ce message-là. Puis elle écrit une 5e fois, mais pour écrire quelque chose de différent, c'est Messi, M-E-C-I. Et la prochaine, ouais. Bye, bye, bye, bye, bye. Puis à la fin, il y a un hi. Ok, je vais essayer d'aller vite. Joanie Piette, Devil Brice Denis à commercial@mail.com. On y écrit, s'il vous plaît. Salut les gars! Je sais pas si c'est légal de faire ça. Elle l'écrit sur un forum. Mais je voulais juste. Ouais. Hey, il y a Samuel qui est arrivé. Salut les gars, je voulais juste vous dire que vous êtes full nice. Mon frère a acheté le vidéo, mais il est parti en appartement avec sa blonde. Fait que je pouvais plus le réécouter, 3 petits points. Quand je lui ai emprunté, je l'ai tout de suite écouté. À peu près 2 heures d'éclat de rire. Vous, love fort, pi, Jacques, ch'te, c-h-t-e. C'est toi, ça. Oh, ben... Prendrais bien comme maman. Love, ciao, les gars, je vous love. Extra, extra, extra, extra. Puis là, il y a mon... préféré, c'est-tu lui? Non, je pense que tu viens de le lire, ton préféré, là. Non, c'est lui mon préféré, j'ai pas retenu le nom, j'ai oublié. En fait, ça, c'est TRL plus C, c'est TRL plus V. Bonjour, j'ai 14 ans. Oh. Ok, bonjour, j'ai 14 ans. Pipi, les Bleus Poudres m'ont pissé de rire. Ah, on n'a jamais fait ça, honnêtement. Je peux en témoigner devant n'importe qui. C'est un petit gars de 14 ans. Sortez 14 ans, tu dois pisser de rire. Fille, sortez d'autres vidéos. Ça, ça fera un malheur. Aussi, y a-t-il un DVD des Bleu Poudre comme y passait SSAI à la télé? Le Palais de Justice, je pense. Bon, c'est ça, bye. La réponse, c'est non. Non, mais je pense que ça existe. Je pense que c'était encore sur Illico, parce qu'on a fait 4 émissions à TVA. Ouais, ben, je pense on a lancé que ça le mea culpa. Ça passe pas par année, Chris. C'est tout le temps des reprises. Ben oui, mais on n'a rien fait d'autre. Ben, vous avez sorti le DVD. Ben moi, je paierais pour un intégral de Sans Limite. Parce que... Ouais, il est sorti en DVD, je pense. Non, l'intégral. Ah. L'intégral. Ben, honnêtement, il y a bien du stock qui a mal vieilli parce que nous, on a toujours été axés sur l'actualité. Fait qu'il y a des trucs, il y a des personnages que tu te souviens même plus c'est qui, tu sais, puis c'était quoi le scandale, puis ou des politiciens. Qu'on a complètement oublié. Ça date quand même de 80, 85, 90. Fait 80. Que, quand on a fait les DVD, c'était notre préoccupation, c'était de garder ce qui était encore bon, puis ce qui était encore actuel, tu sais, puis ce qui était encore drôle, effectivement. Puis ce qui avait bien vieilli, comme l'affaire avec Céline. Oui, on l'a-tu mis ça, oui? Ouais. Vous l'avez mis en extra, ça le prenait, là, écoute. Ouais, c'est parce que nos avocats, ils n'étaient pas trop sûrs de tout ça, tant que ça. Tu sais, comme action, ces gens-là, ah, jamais willing, ils jamais le goût de faire rien. J'en reviens, j'avais juste une conclusion. Oui, à la lumière de les belles informations que je viens de te lire. Oui. Ouais, avec une fille qui t'aime, là. 14 ans, qu'est-ce que tu penses de l'orthographe de nos jeunes? Hein? Ici, ben, c'est sûr que non, ben, de plusieurs choses. J'ai toujours trouvé que la langue française était, c'est une langue de débile. C'est une belle langue, mais c'est une langue qui est un mauvais outil de communication. Il y a tellement c'est juste des exceptions tout le temps, tu sais. Ouais. Moi, je serais pour une refonte de la langue française pour qu'elle soit plus facile à écrire. Pourquoi les verbes en ir finissent, ils se conjuguent pas tous de la même façon, ou les er, tu sais, t'as juste des exceptions, tu sais. Donc, je trouve que, la langue devrait être standardisée pour que ça soit un outil de communication qui soit plus efficace. Deux, c'est sûr qu'Internet amène une déformation effrayante de la langue, puis je sais pas dans 10 ans ce que ça va donner. À un moment donné, on sera plus capable de se lire. Puis ça, c'est un peu malheureux. Puis en même temps, ça se comprend. Quand tu chattes, t'as pas le temps, tu réponds vite. Puis moi, puis Tommy Godette, je veux pas nous lancer de la boue, mais on se force à chaque fois qu'on écrit un message pour au moins l'écrire bien, tu sais, pour que ça reste. Ah, tu fais ça, Tommy, hein? Ben, moi, j'essaie de tout le temps écrire le mieux possible. C'est plus dans la mentalité des gens. Je suis pas mal d'accord avec le fait que la langue française est trop basé sur des exceptions, puis que peut-être c'est des règles qui ont été faites il y a 500 ans dans un contexte tout autre que celui dans lequel on évolue, puis qu'il devrait avoir une refonte pour actualiser des règles qui dépassaient depuis tellement longtemps. Et t'es nuancé, Tommy. Oui, ouais. t'es très nuancé. On a presque le goût de te caresser. On pourrait qu'on parle à un nuage. On créerait un Suisse. Ben, t'as l'air de d'un nuage. D'un cumulus. Il est content. Le strato-cumulus, je dirais même. C'est le large qui pleut. Avec ta coupe de cheveux. Oui. Hey, Jacques Chevalier. Mais c'est présent. Est-ce que tu joues à Magic? Si c'est oui, c'est parce que je suis pas au courant. C'est une bonne réponse. Je sais pas c'est quoi. Ah, oh, c'est un jeu de cartes. Je demande à tous les invités s'ils jouent, puis tout le monde joue pas. Ah, okay, mais c'est un jeu non, qui est connu pas. Mondialement. Là. Il y a des finales au Japon, puis en Grèce. Puis tout ça. Ouais. Sinon, est-ce que tu as un jeu vidéo préféré? Mohawk? C'est... non, je joue plus. J'ai arrêté ça, moi, parce que j'ai commencé avec les Super Mario dans le temps. Là. Ouais. Puis je passais tellement de nuits là-dessus que quand les nouvelles générations sont arrivées, j'ai décidé de pas embarquer parce que je passais trop de temps. T'es off the wagon. Mais t'as déjà joué, c'est ça? C'est oui, absolument. Ouais, ouais, j'ai adoré ça. Même pas trop. Là. Puis je trouve que c'est trop facile de perdre. Oh boy, d'autant plus. Plus avec les World of Warcraft puis les gros massifs online RPG, il y a plein de monde qui perd de l'UV là-dedans. Là. Non, moi, si j'étais pas ici, je jouerais à WoW en ce moment. Ben, c'est ça. Hey, là, on parle tout plein, puis en plus, notre caméraman qui fait un documentaire sur le mouvement douteux est en train d'être là. Ça, peut-être que tu vas être au courant, parce que c'est un producteur important, puis il travaille chez Juste pour Rire, hein, JP. Ouais, peut-être qu'un jour, ça va être un contact important. Jacques Chevalier, tu le connais. Mais là, je vais profiter de la présence de témoins et surtout du caméraman pour lire le petit texte que j'ai écrit jadis. Donc, pour être franc et cru, je suis obligé de parler de mon introspection des dernières semaines. Depuis mon retour de Toronto, je suis en phase de questionnement vis-à-vis l'objet douteux tel que je le conçois et tente de vous le communiquer ici et ailleurs. Michael McNamara était sympathique. Michael McNamara, qui était un des Twin Dragons qui ont fait 2-3 longs-métrages bientôt, qui sont extrêmement douteux. On est allé les voir d'ailleurs avec Rick qui est là-bas et Samuel JP qui est là. Michael McNamara était sympathique, terre à terre, motivé par ses idées et idéaux, pétillant de vitalité, loyal et surtout en pleine santé pour un monsieur de 58 ans. En somme, c'était un homme heureux et sans prétention qui ne faisait, je le cite, « du cinéma de fiction que pour tuer le temps avec ses potes dans le bois ». Usant des standards de distribution plus aisés et contrôlés de l'époque, VHS, il parvint avec ses amis, desquels il parle avec nostalgie, à soutirer une bonne dose de profit de ces deux films de fiction qui ne prirent que deux week-ends à tourner. Je suis, ce soir et pour l'avenir, heureux après introspection, de vous inviter chaque lundi soir jusqu'à ce que compréhension s'ensuive au brouhaha, brasserie artisanale, salle de projection aux accents sympathiques, et bien sûr, je vous invite à m'écouter finir cette phrase trop compliquée. Le but, c'est que finalement, j'ai fait la paix. Je peux trouver la production de Michael McNamara très douteuse et trouver le monsieur sympathique. Ça c'est m'a bon? Fait ça. Ah. Ça m'a fait on du bien. On voit que tu chemines bien. Oui. Thérapie, ça porte bien. Très, c'est bon. Très. C'est une des meilleures que je connais. Celle par le douteux. Là. Et puis, bien sûr, souvenez-vous que si vous avez des questions... Ben, on en a nous aussi. Oui, ça, c'est hey, sûr. Bruno, tu lui dis une nouvelle avant qu'on dise à Jacques que commande, fais-nous un indicatif. Ça va pas mal se passer dans ce temps-là. Okay, c'est bon. Ben, fait que, on se le cachera pas, la Terre va pas bien, hein, elle a des problèmes. Puis il est grand temps que l'humanité pense à peut-être élaborer un plan B. Fait que c'est dans cette optique que Larry Page et Sergey Brin, les cofondateurs de Google, et Richard Branson, fondateur de Virgin, mèneront en 2014 des centaines d'utilisateurs vers l'une des plus grandes aventures de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les premières colonies humaines, et je stresse le humaine, sur Mars. Ah! 2014. Mais c'est quoi, ça va être virtuel? C'est là qu'on s'en va sur Mars, ça va être pour de vrai. 2014, on s'en va sur Mars en 2014. Les premiers humains sur Mars. Ben voyons donc. Je te jure. Il était écrit sur Internet. Ça prend 3 ans. Ouais, c'est ça, ça prend 3-4 ans. Puis on s'entend que c'est le gars de Virgin qui l'a dit. Ah, puis le gars de Google. Ben n'empêche que c'est du monde qui ont réussi 2-3 affaires dans leur vie. Ça, on va au moins lui laisser ça. Ouais, ou pas. Ah yeah, c'est de la bonne ça, t'en as-tu une petite dernière? Ok, peut-être. Justin Gignac, l'artiste new-yorkais qui nous avait vendu des déchets de New York pour $50 la boîte sur Internet et de retour. Son nouveau projet, peindre les choses qu'il aimerait avoir, soit une boîte de pizza ou un jeu vidéo, et les vendre au prix courant de la chose en question. Jusqu'à maintenant, l'œuvre El Buffalo a été vendue pour $12.70. Une autre guitare pour Guitar Hero 2 à $64.98. Un dîner chez Nobu à $152, $76 par personne. Fait que c'est quoi, lui, il met ça sur eBay, puis là, il y a du monde qui la jette en pensant avoir la vraie affaire. Puis non, t'achètes la peinture. Tu vas sur son site, t'achètes la peinture, puis il y a aussi l'œuvre Sécurité financière au coût de $1 million qui n'a pas encore d'acheteur. Mais là, un dîner pour deux, là, il peint un dîner pour deux? Non, il donne une peinture du dîner. Une peinture avec un coupon dîner pour deux dessus. Okay. Juste comme le dîner de peinture. Il peint les objets. En tout cas, il y en a qui ont des idées de génie dans le monde de création. D'ailleurs, parlant d'idées de génie, genre qu'il va nous prendre un indicatif avec un maximum de bonne volonté. Ah, ben, on va essayer de faire ou ça. Ou en tout cas, le maximum de que tu fais comme ça genre, te tente. Salut, Jean Perrault, il pensait qu'on parlait de sport. Ah, ben oui, 70%, ouais, ça c'est... Oui. Ah, fait qu'on fait ça là, live, là? Ah, ben oui. Oui, gêne-toi pas. Fais pas ta fille. OK. Mais là, c'est difficile. J'ai mon petit côté féminin qui est assez moi présent. Aussi. Fait que là, y a-tu un. Ah non, c'est décompte, on est en train d'enregistrer. Y a-tu un texte, rien, non, on improvise. Tu y vas à ton rythme, ça va commencer. Assez, quand tu vas dire. Y a-tu une durée, quelque chose? Ou... Ben, pourvu que tu te sentes à l'aise. OK. En fait, t'as juste à nous dire que tu nous aimes. Ben là, je peux pas dire ça, là. Ça serait mentir. Ben non, il veut dire ce qu'il veut, là. C'est ça. C'est vrai, hein? On est peut-être rentré dans ses 879 connaissances, mais on n'est pas dans ses 9 bons amis encore. Non, c'est pas... tant qu'on n'est pas couché ensemble, ça va être dur à dire. Not moi. Pour l'instant. Ah ben ouais, mais non, c'est bon même. C'est correct de même, c'est le fun de. Ah non, mais moi je parle pour l'instant indicatif. Ah ok, oui, ok. Fait que c'est là, hein? Ah ouais, c'est là. Ben mon nom est Jacques Chevalier, je suis en compagnie. Non, c'est pas ça, c'est très mauvais ça comme départ. Ah ok, cool, on regarde. On coupe, on recommence. Moi je te mets ça la semaine prochaine. Avec la okay. Peur. Ouais, c'est ça, t'as l'air d'un enfant de chienne aussi. ben mon nom c'est Jacques Chevalier, vous écoutez 70% à chaque FM. Là, si ça me prend une joke, je vais aller la chercher puis je reviens tout de suite. Excellent. Hey, moi, il y a une affaire aussi que je veux faire écouter à monsieur Jacques Chevalier pendant qu'il est là. Ça a été un des grands moments de radio que j'ai vécu dans ma vie. Ça va sûrement être très utile. Juste avant d'aller en chanson, là, moi, j'aimerais ça que tu fasses de moi, là, mon rêve d'enfance, c'est d'être... Tout pour toi, mon cher. Tout pour toi. Tu viens de Val-d'Or. Un louloute honoraire. Un louloute honoraire, oui, oui. Est-ce mais, que je peux? Ben oui, mais comment on fait? Ben, je me souviens, attends. Tu sais que ça passe. T'es très excité. C'est Jean Coutu, ben, feu, le comédien qui faisait. T'es une louloute, un truc. Mais je sais pas, c'est quoi le. Il faut expliquer aux gens, c'est que sur notre disque à vendre, on avait une chanson, Nous sommes des louloutes, quoi. Oui, c'était pas mal la gang des louloutes, là. On visitait en plus les bas-fonds de votre. Oui, avec. Avec le guide Jean Coutu, là. T'es une louloute, ouais. Mais c'est quoi le cérémonial dans tout ça? Est-ce que tu. Ben, fais juste dire oui, t'es un louloute honoraire. Ah oui, tu es un louloute. Une louloute honoraire. Hey, j'étais content. Est-ce que je peux être encore un louloute honoraire? Ben certainement. Oui, en tant que vice-président du Club des Louloutes du Québec. Je te nomme président du conseil d'administration des Louloutes du Québec. Là, je suis au max, là, je peux j'aimerais pas te donner un titre prestigieux. C'est mieux. Non, puis quand tu vas savoir, Justine, tu peux poser la même question, mais Justine, il n'y a pas de pouvoir dans le groupe. Ah. Fait que peu importe ce qu'il te donne, ça vaudra rien. Ça veut dire que je suis rendu avec plus de pouvoir. Bon, là, t'as vraiment parlé au boss des Louloutes. La prochaine fois, si Justine vient, il va pouvoir comme l'upgrader dans le club des louloutes, lui, avec son nouveau titre. Ah oui, c'est ça, toi. Ouais, tu vas pouvoir upgrader juste là, il en a besoin. J'abuserai pas du pouvoir qu'on vient de me conférer. Il n'y en est pas question. Jacques Chevalier, merci beaucoup. Ça a été un 70%, loin en delà de la moyenne. Ça veut dire en-delà, je voulais dire au-delà. Aurait sorti en-de-ça. Non, mais t'as le droit de dire que je non, non, pourri, ça a été bien sympathique que je viens d'être. Tu vas insulter toute ma famille, puis mes ancêtres, puis mes amis. Ah, j'oserais pas, on veut que tu reviennes à un moment donné. Là. Sinon, allez voir sur le site justepourrire.com. Yes! Il y a pas mal d'affaires du monsieur qui est là, il y a pas mal d'entrevues. Pas juste les mines, il y a près de tous les humoristes qui ont du matériel. Sinon, les gags de Juste pour rire, on va souhaiter que ça continue le mieux possible. Oui, merci. On entame notre 9e saison cet été. Ça apprécie, hein? On souhaite que tu vives heureux et que tu meurs pas du cancer. Puis que tu reviennes nous voir à un moment donné. Puis toi, Bruno, merci. Ouais. Israël, merci. Oui. Tu vas me faire un indicatif vite fait, André, puis après ça, tu peux t'en aller. Faut que tu parles dans le micro. Là, c'est parce qu'André, tu l'as pas présenté. Là, on sait pas c'est qui. Ben, ouais, c'est... à la maison. Vas-y. Il marche pas. Hein? Vas-y, il marche pas bien, moi, je trouve. Bonjour, vous êtes à 70% en compagnie de Bruno, Tommy et Israël. Oh. Hey, Tommy, ta voix était cœurante en fille. Bon, ben, pour finir l'émission d'aujourd'hui, parce qu'il va falloir qu'on sorte bientôt, je vais mettre notre ami Bernard Supramental de Montréal qui va nous parler des vraies valeurs et des anges. Merci beaucoup, c'était 70%. Hey, c'était bien le fun, les boys. Merci. Et de faire non. Voici Bernard de Montréal. L'une des premières conférences données par Bernard de Montréal, intitulée Les maîtres du monde. Sur la planète Terre, s'incarner ou sur la télévisée. Leur compréhension du phénomène humain est totale. Et leur capacité d'organiser la société de l'avenir en relation avec les données, les sciences, leur permettant de projeter un dynamisme dans l'avenir qui ira pendant des siècles. Se terminer dans une évolution quelconque. Les maîtres du monde, lorsqu'ils viennent ici, ont un plan de vie pour la planète. Ils le connaissent très bien, ce plan de vie, mais ils ne peuvent pas empêcher l'inconscience de l'homme de faire interférence avec ce plan de vie. Et pour cette raison, leur tâche est ingrate. elle n'est pas ingrate humainement parlant, mais elle est ingrate dans ce sens que souvent, ils doivent sinon revenir, du moins continuer sur d'autres plans à veiller à ce que s'exécute finalement le plan qui avait été projeté dans son origine. L'homme n'a pas toujours eu besoin des maîtres du monde. Lorsque l'homme a été préparé pour vivre sur la planète Terre, son âme était très jeune. L'âme n'avait aucune connaissance de l'expérience humaine. Elle était sage, mais elle était belle. Elle était belle parce qu'elle n'était pas souillée. Ici Jérôme Macro du Roi Poisson. Et JV Truitt, toujours du Roi Poisson. Vous écoutez Choc FM. La délégation 2008 de l'UQAM est fière d'avoir remporté la 12e édition des Jeux canadiens de la communication qui se déroulait du 5 au 8 mars à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Nous remercions sincèrement nos partenaires, la FELC, l'AGEC, l'UQAM à